La morale de cette histoire, c'est qu'il faut garder espoir. On peut vivre tel qu'on est, sans la peur d'être jugé. Accepter les différences et faire preuve de tolérance. Refuser tous les clichés, mettant les autres de côté. Hé hé hé, oh oh, le monde serait plus beau. Oh oh oh, hé hé, la vie plus colorée. Ne pas être dans le moule, pour se fondre dans la foule. Un loup ça peut être gentil, et adorer les radis. S'il n'est pas comme tous les autres, c'est son choix et pas le nôtre. Pas besoin d'être le plus fort, les différences c'est de l'or. Hé hé hé. Serait plus beau. Oh oh oh. Hé hé. La vie plus colorée. On peut vivre tel qu'on est, sans la peur d'être jugé. Accepter les différences et faire preuve de tolérance. Refuser tous les clichés, mettant les autres de côté. Pas besoin d'être le plus fort, les différences c'est de l'or. Hé hé hé. Oh oh, le monde serait plus beau. Oh oh oh, hé hé, la vie plus colorée. Hé hé, oh oh, le monde serait plus beau. Oh oh oh, hé hé, la vie plus colorée. Hé hé hé. Oh oh. Le monde serait plus beau. Oh oh oh. Hé hé. La vie plus colorée.